بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est arrivé à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala أَيَحْسَبُ أَنْ لَا يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne pourra rien faire contre lui? يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Il dit: j'ai gaspillé beaucoup de biens, beaucoup d'argent. أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne l'a vu? فالله تبارك وتعالى بين لنا أنه خلق الإنسان في معيشة صعبة. Allah تبارك وتعالى nous a informé qu'il a créé l'être humain dans une vie difficile, une vie de difficulté, comme nous l'avons vu lors des cours précédents. Et ceci dans sa parole, لقد خلقنا الإنسان في كبد. Certes, nous avons créé l'être humain dans, on a dit, une difficulté. وقلنا إن من معاني هذه الآية أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. On a dit que parmi les significations de ce verset, le fait que Allah a créé l'être humain de la meilleure façon. On a dit: la tête de l'être humain est en haut, ses pieds sont en bas, il ne marche pas sur son ventre, il marche sur ses pieds, il ne marche pas sur sa tête. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé de la meilleure des façons. فَهَذَا الْإِنسَانِ لَمَّ يَرَى قُوَّتَهُ الْبَدَنِيَّ وَالْمَالِيَّ يَظُنُّ الْكَافِرُ أَنْ لَا يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. Et donc l'être humain, lorsqu'il voit sa force physique et financière, alors l'incroyant, il pense que personne ne peut rien faire contre lui. C'est moi. C'est moi le plus fort, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَحْسَبُ أَنْ لَا يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. Pense-t-il que personne ne pourra rien faire contre lui? وَهَذَا مِنْ جَهْلِ الْإِنسَانِ الْكَافِرِ. Et cela, c'est dû à l'ignorance de l'être humain, l'incroyant spécifiquement. L'incroyant spécifiquement. أَمَّا الْمُؤْمِنِ فَيَعْرِفُ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنْ نِعَمٍ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ. En ce qui concerne le croyant, alors il sait que ce qu'il a comme bienfait, alors tout cela vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَيَشْكُرُهُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Et donc il va remercier son Seigneur de façon apparente et cachée. Il va remercier son Seigneur pour tout ce qu'il a, les bienfaits, ta santé, ta force, de façon apparente et cachée. وَيَحْرِسُ عَلَى اسْتِعْمَالِ هَذِهِ النِّعَمِ فِمَا يُرْضِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et il va s'efforcer d'utiliser ses bienfaits dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les bienfaits que Allah t'a donné, les bienfaits qu'il t'a accordé, utilise-les dans le bien. Utilise tout cela dans le bien. Amma al-kafir awil asi fala yubali bi kawnihi yastakhdimu ma a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala fi maharimillah. En ce qui concerne l'incroyant ou le pécheur, alors il n'accorde aucune importance au fait qu'il utilise ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné dans la désobéissance à Allah. Allah, il t'a donné quelque chose qu'il a privé à d'autres. Allah, il t'a donné quelque chose qu'il a privé à d'autres. Tu prends cette chose et tu l'utilises dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit de faire. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Il dit: j'ai gaspillé beaucoup d'argent. L'être humain qui dit ça: j'ai gaspillé beaucoup d'argent. يَقُولُ إِنَّهُ أَهْلَكَ مَالًا كَثِيرًا لِكَوْنِهِ أَنْفَقَهُ فِي شَهَوَاتِهِ. Cette personne dit qu'elle a gaspillé beaucoup d'argent. Elle a dit gaspillé, elle n'a pas dit dépenser. Gaspillé beaucoup d'argent parce qu'elle a dépensé tout cela en suivant ses passions, en suivant ses passions, dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Li anna hadha al-infaq la yanfa'u. Parce que toutes ces dépenses qu'il a faites ne lui sont pas profitables. Et donc c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le mot ahlak. Par contre, لو أن الإنسان ينفق ماله ينفق ما أعطاه الله تبارك وتعالى في رضاه فذلك ينفعه. Tandis que l'être humain, lorsqu'il dépense des biens que Allah lui a donné, de ce que Allah lui a donné, l'être humain le dépense dans l'agrément d'Allah, alors ça c'est profitable. Là on appelle ça l'infaq, la dépense. Il a dépensé dans l'agrément de son Seigneur. فهذا الكافر يظن أنه لم يره أحد حين وقوعه في المحارم أو في المحرمات. Et donc cet incroyant, il pense que personne ne l'a vu lorsqu'il est tombé dans les actes interdits, les actes illicites. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ayahsabu an lam yarahu ahad. Pense-t-il que personne ne l'a vu? Pense-t-il que personne ne l'a vu? Abdurrahman, est-ce que tu peux me chercher un endroit dans la mosquée où tu peux te cacher et Allah il te voit pas? Tu trouves pas? Dans Villeroy. Il y a un endroit dans Villeroy? Non. Dans la France? Non. Sur la terre? Non. Ah, d'accord. Alhamdoulilah. Et donc, cette personne, فَهَذَا قَدْ يَسْتَخْفِي مِنَ النَّاسِ. أَنْتَ قَدْ تَسْتَخْفِي مِنَ النَّاسِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَحَدٍ. Il se peut que tu te caches des gens. Tu te caches des gens. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut rien lui cacher. Sache-le pertinemment, tu peux cacher tout ce que tu veux. Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut rien lui cacher. Thumma dhakara tabaraka wa ta'ala ma an'ama bihi 'ala al-insan. Ensuite Allah ta'ala, il a cité les bienfaits qu'il a accordés à l'être humain. Il lui dit, Alam naj'al lahu aynayn. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux? Wa lisanan wa shafatayn. Une langue et deux lèvres. Wa hadaynahu najdayn. Et nous l'avons guidé vers les deux voies. Les deux voies, on verra par la suite, inshallah ta'ala. Fal'aynan bihima yubsiru l'insan. Wa huma min zinatil wajh. Les deux yeux, par ces deux yeux, l'être humain va voir. Et les deux yeux font aussi partie des éléments qui vont embellir le visage. Qui vont embellir le visage. On trouve beaucoup de la beauté d'une personne dans ses yeux. De ces yeux que Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné, il y a énormément de bienfaits. Le fait que l'individu puisse voir. Parfois, est-ce que tu peux t'imaginer, tu te dis, je reste un jour sans ouvrir les yeux. Un jour sans ouvrir les yeux. Est-ce que tu tiens? Une heure, tu te dis, bon allez, une heure sans ouvrir les yeux. Tous les jours, tu vois bien, tous les jours, sans problème. Alhamdulillah, on a cette ni'ma tous les jours. Wa kazalika al-lisan wa shafatan. Et aussi la langue et les deux lèvres. Fal insanu yantiq. L'être humain a la capacité de parler. An yukhbira bima fi nafsihi. D'informer ce qu'il a en lui. Fa kulluna natana'am bi hadhihi an'am. Et donc nous profitons tous de ces bienfaits. Lakin hal nashkuru rabbana? Cependant, est-ce qu'on remercie notre Seigneur? Tous les jours, akhi, tu parles, tu es là, tu as la capacité de venir, de dire, excusez-moi, est-ce que je peux avoir ça? C'est vraiment une phrase qui est très simple, très facile à dire. Est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît? On ne se rend pas compte de la facilité, on ne se rend pas compte du bienfait que Allah nous a donné. Que lorsque tu vois une personne qui vient et qui ne peut pas parler. Et que la personne doit faire des signes ou écrire ou autre. Ou que tu vois une personne qui a besoin d'une canne qui ne peut pas voir. Et donc, est-ce que nous, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits qu'il nous a donnés? Il est important que chacun d'entre nous médite sur cela. Est-ce que nous remercions notre Seigneur jour et nuit pour ses bienfaits qu'il nous a donnés? Bel, akfar min dalik, plus que ça encore. Yanbaghi alayna an natasa'al. هل نستعمل هذه النعم في مرضات الله? Plus que ça encore, nous devons tous nous interroger, est-ce qu'on utilise ces bienfaits dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? أيحسب أن لا يقدر عليه أحد? Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné des yeux et t'a donné la capacité de parler. أتظن أن الله تعالى ليس بقادر على أن يزيل منك هذه النعم؟ Parce que Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas capable d'enlever ces bienfaits qu'il t'a donnés, de te faire perdre la vue, de te faire perdre la parole. فكيف تستخدم هذه النعم في المحرمات بعد ذلك؟ Comment est-ce que tu peux utiliser ces bienfaits qu'Allah t'a accordés dans des choses illicites? Le fait de regarder ce que Allah t'a interdit de regarder. Le fait de dire ce que Allah t'a interdit de dire. Le mensonge, la calomnie, la médisance et autres. Comment est-ce que tu peux faire tout cela? Lorsque tu te rappelles que Allah tabaraka wa ta'ala est capable de t'enlever ce bienfait à n'importe quel instant. Rappelle-toi bien. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Allah t'a cité ses bienfaits qu'il t'a donnés. Cela fait partie des bienfaits d'ici-bas. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité un bienfait qui est encore plus grandiose, plus important que les deux qu'on a cités précédemment. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Et nous l'avons guidé vers les deux voies. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بَيَّنَ لَنَا تَرِيقَ الْخَيْرِ وَتَرِيقَ الشَّرِ Allah il nous a montré la voie du bien et la voie du mal. تَرِيقَ الْهُدَى وَتَرِيقَ الدَّلَالِ La voie de la guidée et la voie de l'égarement. Est-ce que, les frères, parfois, on a du mal à remercier Allah tabaraka wa ta'ala par rapport aux bienfaits qu'il nous a donnés, parce qu'on a du mal à s'imaginer sans ces bienfaits-là. C'est ça le problème. Souvent, il y a une parole en France qui dit que tu ne te rends compte du bien que lorsque tu l'as perdu. Tu ne te rends compte d'une chose que lorsque tu l'as perdu. Une fois que tu l'as, c'est normal. Tous les jours, Le frigo, il est plein, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu ouvres le frigo, tu ne te rends pas compte de la nirma, tu ouvres tous les jours, normal. Le jour où il n'y a plus de kahraba, il n'y a plus d'électricité, pendant 2 mois, là, tu te rends compte, ah, c'était quand même bien le frigo à l'époque. Hein. C'était bien. Et donc, tu te rends compte de la nirma, tu te rends compte du bienfait quand tu l'as perdu. Et c'est ça qui fait que on tombe dans les péchés. Les frères, est-ce que vous imaginez si Allah nous avait laissé comme ça, sans livre, sans rien, pour nous montrer comment l'adorer, comment faire, sans rien, t'es là comme ça, il faut que tu comprennes, j'ai une divinité, alors comment je vais faire pour l'adorer? Allahu alam. Jamais il vient se lève, jamais il nous dit, je pense que c'est comme ça. Il nous souvient du moi, je pense que c'est comme ça. Et si chacun donne son avis, on vous fait pile ou face, un jour on fait comme toi tu dis, un jour comme toi tu dis, on ne sait pas, Allah alam. Allah nous a guidés, nous a montré tout. Il nous a montré le bien, nous a montré le mal. Et ça, c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait. Il y a des gens qui rejettent cela. Hunak ba'dun nas yaqulun yu'minun yaqulun ana u'minu bi wujudi ilah. Ils te disent, je crois en l'existence d'une divinité. Mais je ne crois pas en l'islam, je ne crois pas à la religion chrétienne, etc. Mais je crois en l'existence d'une divinité. Je lui dis, taïb. Had al-ilah. Hal tarakana hakada. Ou bayyana lana al-khayr wa shar. Je lui dis, ok, d'accord. Tu crois à l'existence d'une divinité. Mais cette divinité à laquelle tu crois, est-ce qu'elle nous a laissé comme ça, deviner le bien et le mal, ou alors est-ce qu'elle nous a montré ce qui est bien et ce qui est mal? S'il nous dit non, il ne nous a pas montré. Ils te disent, en fait, je crois en une divinité, mais c'est à nous, chacun, cette divinité nous laisse comprendre ce qui est bien, etc. Tu as la liberté, en gros, je veux faire ce que je veux. طيب لو كان الامر كذلك فليس لك ان تلوم احدا على فعل فعله. Et donc si c'est le cas, si tel est le cas que ta divinité, la divinité nous a laissé comme ça deviner ce qui est bien, ce qui est mal, alors tu ne peux blâmer personne sur l'acte qu'il a fait. Pourquoi? لان كل احد يتقرب الى الهه على حسب الطريقه التي يظنها المناسبه. Pourquoi? Parce que chaque personne va faire les actes pour se rapprocher de cette divinité en fonction de ce qu'il pense qui est correct. Je pense que c'est comme ça. Même le terroriste, tu peux plus le blâmer. Le terroriste, tu peux plus le blâmer. Parce que tu n'as plus aucune preuve, tu n'as plus aucun texte, tu n'as plus rien du tout. Le terroriste, il va te dire, moi je pense que c'est comme ça qu'on peut adorer Allah. L'autre, il va venir dans l'autre sens. Non, je pense que c'est comme chacun fait ce qu'il veut. C'est le fawda, le désordre total. Et donc, est-ce que ta divinité, elle nous a laissé dans le désordre ou pas? Quelle est cette divinité qui veut le bien pour ses créatures et qui ne leur montre pas la voie du bien, la voie du mal? Alors, réponds. Après, il te dit, d'accord, d'accord, ok. Il nous a montré le bien, il nous a montré le mal. D'accord, ok, taïb. Kaif. Comment il nous a montré le bien, comment il nous a montré le mal? Est-ce que c'est par les rêves? Chaque jour, il y en a un qui dit, j'ai rêvé que j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai rêvé que j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. 10 000 rêves, 10 000 divinités. J'ai parlé avec le Seigneur. Comme ils nous le font. J'ai parlé avec le Seigneur. Il m'a parlé. Il s'est adressé à moi. Je l'ai vu lorsque j'étais en voyage, etc., etc. Chacun vient avec sa divinité et ce qu'il pense avoir entendu. Est-ce que c'est ça? Oh, anna Allah tabaraka wa ta'ala arsala rusulan wa a'tahum ma yatamayyazuna bihi an ghayrihim min al-khalq. Ou alors, c'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des messagers et qu'il leur a accordé des éléments qui les permettent de les distinguer des autres créatures. Wa a'tahum al-ayat wa ad-dalail 'ala sidq kalamihim. Et qu'il a donné à ces messagers des signes qui montrent le caractère véridique de leurs paroles. Falidhalika ayyuha al-ikhwa yajibu 'alayna jami'an أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي أرسل رسلا وأنزل كتبا وجعلنا مؤمنين به. Voilà pourquoi il nous est obligatoire à tout un chacun de remercier Allah tabaraka wa ta'ala qui a envoyé des messagers, qui a fait descendre sur nous des livres et qui nous a placés parmi les croyants. Il ne nous a pas laissés en vain comme cela. Nous devons le remercier, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les savants, on va finir, inshallah ta'ala, il y a ceux qui disent, ce qui est voulu dans ce verset, ce n'est pas que Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés vers les deux voies. Mais ici, ce qui est voulu, ce sont les deux seins de la femme. La poitrine. Il y a deux avis pour ce verset. Cet enfant qui, lorsqu'il naît, La ya'rifu shay'an ne connaît rien du tout. Il ne connaît rien du tout. Tu lui parles, mon fils. Dis papa, dis Abi, Abi. Il peut pas dire Abi. Dis Oumi, Oumi. Il peut pas dire Oumi. Ta faim, il peut pas. Il a mal. Il peut pas te dire. Ce qu'il sait faire, c'est pleurer. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a montré comment se nourrir. La seule chose capitale Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Que dire si cet enfant ne savait même pas comment prendre le lait? Tous les jours, à chaque fois, les gens ils voient des mamans qui allaitent. Personne ne médite sur ce bienfait. Personne ne se dit subhanallah. L'enfant ne sait rien, il ne connaît rien encore. Rien. Mais cet élément-là qui lui est vital, il le connaît. Il le connaît. Comment? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas là-dessus? Allah tabaraka wa ta'ala, tous les jours, les frères, tous les jours, dans ce que nous faisons, il y a des signes qui nous montrent la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah il nous dit dans un de ses versets, « Wa fi anfusikum, afala tubsirun. » Et en vous-même, il y a des signes. En vous-même, il y a des signes. Ne voyez-vous donc pas? Tous les jours, akhi, tous les jours, il y a des signes. Tous les jours, tu les vois, tu vis avec. Alors, remercie ton Seigneur. Et repens-toi pour tous les péchés que tu fais. On va arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les pieux, de nous pardonner nos péchés. Il est certes capable de toute chose. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.